Cœur de pirate, mais je fais bien la vaisselle. Viens, je t'emmène. Ben ouais, quand même. Ben ouais, quand même. Au fil de l'eau et au fil des jours. Quoi qu'il arrive, une dédicace aux petits frérots pour toujours. J'ai passé ma vie avant, ceux qui voulaient m'acheter. Mais y'a pas d'armes du crime quand tu meurs de chagrin. Je m'empresse de rire de tout sinon t'en pleurer. Les bons potes, ça se compte sur les doigts du bah ouais, on a le bras long, moi j'serais pas le dindon de la farce. J'parle franc ou bien souvent, j'parle cash, je veux du cash. On a signé le contrat PDC frérot, faut juste être prêt pour ramasser le magot. Here we go. J'veux des pattes dans, c'est pas stress. Tapez pas même en pas def. Et s'il y a pas chef, comme à l'ancienne pour la première. Frère, je vois ce que tu veux dire, j'entends ce que je veux faire. Here we go, here we go, on rentre dans le barrio. Mauvais, mauvais. Cash cool, retourne à la partie. Jeez, mauvais, mauvais. Dala, dala, d'alion. Here we go, here we go, on rentre dans le barrio. Mauvais, mauvais. Cash cool, retourne la partie. Jeez, mauvais, mauvais. Dala, dala, d'alion. On a le son qui va te faire sauter comme le double dutch. Je JM de crotte cachou, t'as la beurre de la rigue. Quand le système te fait les poches, que tu caches ou sous ton lit. T'as plus qu'à lever les mains, on va mâcher la partie. On connaît tous la musique quand sonne les coups de minuit. Si ça monte dans les tours, c'est que ça aime bien le château. Je vais te dresser le décor, mon pote. Ça va te fracasser la tête et tu fois moins de cloporte. Sans différence ethnique, mon équipe et moi. Va pas salir mon éthique, on est quitte avant de se quitter. On t'aime pour ce que t'as, on déteste pour ce que t'es. Rien ne sert de penser à écrire, faut écrire tes pensées. Et là, on garde le mental, t'inquiète pas. Pour les gens qui font sortir les petits secrets de la pièce. Bah oui, politiquement correct. Ah ouais. Ah ouais. Here we go, on rentre dans le barrio. Mauvais, mauvais. Cash cool, retourne à la partie. Jeez, mauvais, mauvais. Dala, dala, d'alion. Here we go, on rentre dans le barrio. Cash cool, retourne la partie. Jeez, mauvais, mauvais. Dala, dala, d'alion. Garde l'allure d'une vie à l'autre, génération Kleenex. On clique, on claque. Non, j'ai pas compris l'arnaque. Allez, masque comme le Joker avec son sourire moqueur. Je préfère cogiter aux échecs que tout risque en poker. En temps réel et en roue libre, comme on me le dit parfois. Faut faire un mix de tout ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Tout le monde me comprend, funky dans la vibe. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Si t'as bien compris ce qui se passe, ben ouais, c'est reparti. Cash cool, retourne bien la vibe pour les frères dans la partie. Si t'as pas compris ce qui se passe, ben ouais, c'est reparti. Rodka et G sont dans la place, ben ouais, c'est ça, Paris. Ah ouais? Here we go, on rentre dans le barrio. Cash cool, retourne à la partie. Jeez, mauvais, mauvais. Dala, dala, d'alion. Here we go, on rentre dans le barrio. Mauvais, mauvais. Cash cool, retourne à la partie. Jeez, mauvais, mauvais. Dala, dala, d'alion.